Ceci est un audio généré issu de l'article sur l'affaire Dreyfus, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Oublie les manuels scolaires lisses, ici, on parle d'une époque où la France a littéralement explosé. L'affaire Dreyfus, c'est pas juste une sombre histoire de trahison. C'est le moment précis où la manipulation de masse est montée en puissance. Les élites de ce temps savaient très bien ce qu'elles faisaient, elles jouaient avec le feu, divisant le peuple, balançant à la une des journaux, « Un traître juif menace la nation ». Quand tu débarques dans cette ambiance-là, ça claque. On ne parle plus de petite politique, tout le mode Arano, sur la défensive, et qui flique que le pays se casse la figure. Ce récit, il embarque tout le monde. Même ceux qui ne suivaient pas l'actualité se retrouvent enringués dans une histoire où la haine devient un outil politique. En fait, avec Dreyfus, la France découvre eux et chaque citoyen avec elle ce que donne le cocktail explosif de pouvoir, peur et rumeur. On a des journalistes stars qui vont jusqu'à manipuler les infos pour vendre du papier et rendre la foule aussi dingue qu'eux. Au final, c'est à Dreyfus l'enjeu le plus important, c'est tout le vivre ensemble qui bascule. Voilà comment démarre la machine infernale de la manipulation de masse. Attention, rien n'arrive par hasard, et chaque crise qui suit va piocher dans cette boîte à outils-là. 2. La France du 19e, anxiété, crise et poison. Imagine une société qui sort à peine de la défaite contre la Prusse. Toute la population pense à la revanche, mais aussi à sauver ce qu'il reste de la République. À Paris, il règne un climat de suspicion et de colère. Beaucoup rêvent d'un héros providentiel. D'autres cherchent un responsable à accuser. Cette époque, c'est un vrai terrain de jeu pour les politiciens roublards, les grandes fortunes et les médias qui aiment le scandale. Les tensions? On les ressent partout, la croissance économique profite qu'à une poignée, le peuple crève de faim, la peur de l'étranger grandit. À la moindre crise, tout peut basculer. Les élites, elles, manipulent ce climat à leur avantage. Elles n'hésitent pas à utiliser des boucs émissaires, surtout dans la presse ou dans les salons de pouvoir. Ça donne quoi? Un peuple crispé, des politiques qui sèment la division, des éditos qui sentent le sang frais. Dans cette ambiance, un rien suffit pour mettre le feu aux poudres. Les journaux multiplient les « révélations » et la notion à l'époque de complot juif commence à infuser partout. Trop de monde a intérêt à attiser la peur, parce que la peur, ça permet de tenir tout le monde sous contrôle. 3. Dreyfus vu de plus près, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi? La vraie question, qui tire vraiment les ficelles dans cette affaire Dreyfus? Au centre, il y a Dreyfus, un capitaine juif accusé à tort. Mais autour, c'est la jungle. T'as des généraux qui flippent de perdre leur job, des journalistes qui jouent les pyromanes, chacun cherche à sauver sa peau ou son business. Les vrais commanditaires? Ils se planquent derrière le décor, utilisent la foule comme paravent. Les profiteurs, politiciens, marchands de rumeurs, big boss de la presse, eux, ils ramassent les fruits de la haine. Le peuple, lui, ne voit qu'un pion manipulé. Ce procès, qu'est-ce que c'est? Un vrai spectacle, monté pour détourner l'attention. Les preuves s'effondrent, mais on fait assez le gars pour un démon pendant que les vrais fauteurs de troubles se marrent en douce dans les salons. L'état-major hurle à la trahison pour cacher ses propres lacunes, une bonne analyse à voir ici sur France Culture. L'accusation marre de Paris, mais le bruit se répand partout, les provinces vibrent à coups de fake news, bars et marchés font circuler les rumeurs plus vite que l'éclair. L'affaire en elle-même. Ça se passe à la fin du 19e, mais les racines datent de bien plus loin. On traîne le poids des guerres perdues, de la peur de l'ennemi intérieur, de la fièvre nationaliste. L'affaire explose entre 1894 et 1906. Mais franchement, c'est toute la société qui prend cher et qui se divise pour les décennies à venir. Pour réussir à manipuler autant de monde, les stratèges font simple, ils divisent, dressent les journaux contre les intellectuels, propulsent le juif traître comme icône du mal. Quasiment tout le monde mord à l'hameçon, parce qu'on leur fait croire que le pays est en danger. On falsifie les preuves, on bidouille les procès, tout est bon pour protéger l'image du pouvoir. L'objectif est clair, apaiser les foules, garder la main, et s'assurer que personne vienne fouiller les vraies magouilles. Et au fond pourquoi? Le but n'a jamais changé, ceux dus aux craignent la justice, la démocratie, la remise en question. Ils veulent juste garder leur place au soleil, quitte à utiliser la peur et l'antisémitisme comme potion magique pour anesthésier le peuple. 4. Comment on fabrique la haine, et pourquoi ça marche, trop bien. On divise, on monte les Français les uns contre les autres, juste pour éviter un vrai débat. La fabrication de l'antisémitisme, ça s'est fait en douce mais c'était diablement efficace. Un discours haineux, un édito sensationnaliste, et zou, ça prend sur toute la population. Les non-juifs, eux, se retrouvent à penser qu'ils sont floués, qu'on les utilise, alors qu'ils voulaient juste une vie normale, à servir de jouet dans le grand jeu des puissants. Les politiques s'en servent comme outil, à chaque crise, ils brandissent la menace intérieure, ou le vilain complot juif, et hop, la société bouge sans comprendre. Les rumeurs deviennent des vérités, la peur circule plus vite que les bulletins officiels, jusqu'à ce que tout le monde oublie la réelle raison du conflit, une guerre de pouvoir pour contrôler l'État, l'armée et l'opinion, bien plus qu'une affaire de justice. C'est là, dans la confusion, que certains construisent leur pouvoir. Ce qui fait mal, c'est que cette méthode perdure. Même aujourd'hui, à la moindre secousse, on ressort le vieux poison, on le camoufle sous une nouvelle étiquette. De quoi rendre fous ceux qui veulent juste vivre tranquille et amener d'autres à tout remettre en cause, pour de bon. Pour creuser l'impact, faut lire ce qui s'est passé ensuite avec l'extrême droite, les ligues, ou même la presse moderne, exposé non officiel sur Mediapart. On voit comment chaque nouvelle crise recycle les vieux réflexes, division, bouc émissaire, et contrôle total par ceux qui savent utiliser la rumeur comme la meilleure des armes. 5. Ce que le peuple voulait vraiment, mais n'a jamais eu. À ce moment-là, tout ce que la masse voulait, c'était simple, un peu de justice, de transparence, pouvoir vivre sans se faire manipuler. Les gens rêvent de paix, de stabilité, de respect, personne n'a envie d'être transformé en pion ou de servir d'excuse à la haine. Mais voilà, les élites n'écoutent jamais vraiment ces attentes. Elles préfèrent garder le contrôle, même si ça veut dire semer la peur et la confusion. Dans la rue, sur les marchés, au boulot, tu croises surtout des gars qui demandent juste qu'on arrête de jouer avec leur vie et leur avenir. Certains le crient tout haut, d'autres baissent la tête, mais le fond du problème ne bouge pas, la manipulation reste la règle. L'affaire Dreyfus l'a prouvé pour toute une génération, et ça ne s'est pas arrêté là. Chaque fois qu'on agite le spectre de l'antisémitisme ou d'un complot, ça détourne les vraies attentes, la liberté, la vérité, l'égalité. Tant que les puissants décident, la masse ne tient que des miettes et le système continue, tranquille, à tourner en rond. 6. Les répercussions jusqu'à aujourd'hui. On croit peut-être que l'affaire Dreyfus appartient au passé. Mais non, elle laisse encore des traces partout. Elle a semé une méfiance profonde, des divisions durables, et chaque crise moderne recycle les mêmes vieux mécanismes, désigner un coupable, cliver la société, masquer les vraies raisons. Aujourd'hui, quand surgit le moindre doute sur la justice ou les élites, c'est le spectre de Dreyfus qui revient, on dirait qu'on n'a jamais digéré ce poison. Les extrêmes se nourrissent toujours de cette histoire pour rallumer la colère ou protéger des intérêts. À chaque nouvelle affaire, tu retrouves les techniques d'hier, presse sensationnaliste, rumeurs, récupération politique. Regarde comment les débats sur la laïcité ou les minorités s'emballent de la même façon, c'est Dreyfus qui ressort des placards à chaque fois, même si le nom a changé. Que retenir de l'affaire Dreyfus? Au final, on ne peut plus se contenter d'avaler tout ce qu'on nous sert. L'affaire Dreyfus doit rester une leçon, comprendre pour ne plus subir. Le poison de la division, de la haine, il ne s'en va jamais tout seul. C'est en gardant les grands ouverts et en posant les bonnes questions qu'on peut vraiment avancer. Notre époque réclame plus de justice, d'esprit critique, de courage. Si on laisse faire la vieille recette de la manipulation, on ne fera que tourner en rond, alors à chacun d'oser creuser, informer et réveiller les autres. Adrien Abosi, ce qu'on lit presque nulle part ailleurs. Dans son travail, Adrien Abosi bouscule tout. Il ne se contente pas de réciter la version classique de l'affaire Dreyfus. Ce qu'on ne trouve pas dans la plupart des articles ou manuels mais qu'on lit chez lui, c'est une remise en cause globale du récit officiel, il ose dire que la défense de Dreyfus s'appuie sur des pièces et des témoignages, bidons, que les preuves censées disculper Dreyfus sont parfois montées de toutes pièces par ses soutiens, et que la manipulation aurait touché les deux camps. Il accuse les réseaux Dreyfusards d'avoir orchestré un lobbying massif, créé des faux, et utilisé la presse et des juges impliqués eux tout autant que les anti-Dreyfusards. Il met au centre la question du syndicat d'influence, coalition informelle de politiques, journalistes, financiers et familles haut placées, agissant pour modeler l'opinion et le jugement final, faisant du dossier un champ de bataille entre puissances rivales. Abosi va jusqu'à mettre en doute l'innocence totale de Dreyfus, avançant qu'il n'était pas le traître de légende, mais qu'il était tout sauf irréprochable dans ses relations et sa gestion des secrets. Enfin, et c'est clé, Il déterre des incohérences énormes dans le déroulement des expertises, des procès, des témoignages, jusqu'aux histoires de télépathie, de magouilles de petits bleus, d'aveux privés et même de manipulation à la Zola, et il montre que la vérité officielle a été réduite à ce qu'il fallait croire pour apaiser la société et relancer la France. Si tu veux aller plus loin que la version scolaire ou journalistique, c'est chez Abosi que tu trouveras un vrai démontage en règle, avec une critique de tous les leviers de manipulation, une charge contre le dogmatisme historique et la fabrication de mythes républicains.